Je fais une vidéo spéciale par rapport au décès prématuré du Premier ministre ivoirien et j'ai posé cette question à qui le tour? À qui le tour? Personnalité politique, homme d'affaires, homme religieux, pasteur, prêtre, évêque, banquier et autres personnalités, femmes d'affaires, élèves, étudiants, fonctionnaires internationaux, travailleurs dans les chantiers et autres. À qui le tour après le décès du Premier ministre ivoirien? Je donne des réponses claires par rapport à notre état physique, puisque nous sommes un amas de cellules qui se déplacent, 73 milliards de cellules qui se déplacent. Et nous avons un problème. Le problème principal ici, c'est notre alimentation, puisque les cellules se nourrissent avec ce que nous envoyons. Si nous envoyons la nourriture saine dans une alimentation complète, nous avons une santé totale. Ça, c'est Dieu qui est l'auteur de toute vie et c'est Dieu qui avait créé les cellules dans notre organisme. Vous voyez devant vous des éléments très importants qui peuvent nourrir vos cellules, qui peuvent relever votre système immunitaire. Vous avez là l'immunité, c'est-à-dire les ingrédients qui ont été sélectionnés pour fabriquer ce produit. Et ce sont des ampoules buvables qui peuvent relever votre système de défense que parfois nous ne connaissons pas du tout, nous les êtres humains. Voyez, une santé optimale exige un apport suffisant et équilibré de tout ce qu'on appelle hydrate de carbone. Qu'est-ce que ça sert pour nous? Ça peut nous donner quoi, les hydrates de carbone? On me dit que le Premier ministre ivoirien est mort suite à une chute. Il a commencé à se sentir mal. Au niveau, après, au cours d'une réunion des ministres, bien sûr, puisqu'il était le premier ministre. Alors, au Cameroun, que ce soit en France, que ce soit au Tchad, que ce soit aux États-Unis, ce sont des êtres humains, ces hommes politiques sont des êtres humains. Ils ont dans leur corps ce qu'on appelle des cellules qui méritent d'être réellement nourries, qui méritent aussi d'être entretenu physiquement et aussi spirituellement. Mais je ne touche pas le spirituel aujourd'hui, puisque je porte plusieurs casquettes. Une casquette scientifique, une casquette spirituelle, mais je voudrais m'intéresser beaucoup plus au physique, à la science. Ce matin, puisqu'il est déjà 12 heures moins, 15 minutes ou 14 minutes à Paris, en France où je suis. Et je dis ceci à propos de ce décès qui est arrivé brusquement et qui nous fait mal parce que nous sommes des Africains, ce sont nos autorités. Et la Bible nous dit de se soumettre aux autorités. Et toute autorité, que nous soyons religieux, sortant de telle ou telle obédience, nous portons des cellules. Notre corps renferme des cellules. Que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, que vous soyez protestant, que vous soyez des églises de réveil, que vous soyez même athée, comprenez que votre corps a des cellules et ces cellules ont besoin de beaucoup de nutriments. Et parmi ces nutriments, nous allons les citer. Et pourquoi il a commencé à se sentir mal? Il y a ce qu'on appelle la fatigue. La fatigue, c'est une maladie. Généralement, dans la science, on appelle ça l'asthénie. Donc l'asthénie vient d'un système défectueux, tout simplement, surtout le système nerveux qui est déjà défectueux. Et vous manifestez cette maladie qu'on appelle l'asthénie. Alors l'asthénie est aussi un état de fatigue, un état de faiblesse ou d'épuisement qui se manifeste par un manque de vigueur et d'énergie. Vous voyez, elle peut être accompagnée d'un mincissement, de la paresse, des organes digestifs, et aussi du système immunitaire. Donc, c'est un mauvais signal lorsque vous vous sentez déjà fatigué. Ou bien on vous dit à l'hôpital que votre système immunitaire est déjà en baisse, c'est-à-dire il est faible. Vous devez prendre cela au sérieux. Et lorsqu'il y a des signaux qui se présentent parfois, des troubles neurologiques, des troubles de la constipation, de la tonie musculaire, à la faiblesse physique, la faiblesse sexuelle, s'ajoute la psychique également, une faiblesse psychique, ou bien la frigidité pour une femme, chez la femme, ainsi que la nervosité et l'irritabilité. Vous voyez, ceci doit vous prouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelquefois, l'asthénie se présente comme un tableau printanier où la cure dépurative s'avère donc indiquée. Il faut passer à la cure dépurative. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons donner des détails sur tout ça. Vous voyez, nous avons donc un corps qui a besoin du repos. Ce corps a besoin du repos, ce corps a besoin des aliments sains, ce corps a besoin effectivement d'une activité sportive. Cela est très important. Et lorsque vous ne menez pas une activité sportive, vous aurez des problèmes. Partagez cette vidéo parce que vous avez les 73 milliards de cellules qui composent votre organisme. Et si votre organisme ne reçoit pas les nutriments, vous allez mourir. Que vous soyez autorité politique, d'ailleurs l'autorité politique travaille beaucoup plus avec son corps physique, travaille intellectuellement, travaille physiquement, et parfois, c'est des gens qui manquent de repos. Moi, je suis engagé dans les affaires, je suis engagé aussi dans le travail de Dieu, annoncer l'évangile, et je suis aussi un homme d'affaires. Et il m'arrive parfois de ne pas avoir assez de temps pour mes cellules, pour les laisser en repos, et de ne pas avoir aussi assez de temps pour nourrir mes cellules. Et un jour, il y a de cela 1 mois et demi, si je ne me trompe pas, j'ai failli trépasser en train de prêcher. J'étais en train de prêcher aux Tables Nations à Yaoundé, où j'avais presque perdu connaissance, c'est-à-dire j'ai failli donc entrer dans un coma, attaqué. J'ai été attaqué, ce qu'on appelle une attaque cardiaque ou bien cérébrale. Vous voyez, donc nous sommes tellement fragiles lorsque nous ne parvenons pas à entretenir notre corps. Et lorsque un décès survient au niveau du continent africain, qu'est-ce qui arrive? On commence à trouver des indices dans la sorcellerie. Parlant de la sorcellerie, il a été liquidé, il a été empoisonné, il a été envoûté, mais nous perdons de vue que notre corps a besoin d'une attention particulière. Donc, selon les connaissances actuelles, vous savez, pour le bon fonctionnement de notre organisme, nous avons besoin d'un groupe de substances et qui se trouve dans les aliments que nous consommons tous les jours. Et s'il n'y a pas ce groupe de substances dans les aliments que nous consommons tous les jours, nous devons passer, par exemple, dans des centres qu'on appelle les centres de distribution des produits, des compléments alimentaires. Si nous ne consommons pas ces compléments alimentaires, comme le nom l'indique, compléter ce que nous n'avions pas pu consommer. Vous voyez devant vous, peut-être vous avez le desmodium qui est, c'est quoi le desmodium? Qui est tout simplement un autre complément alimentaire très important pour notre organisme. Nous allons revenir là-dessus. Et vous voyez que il est dit ici que c'est une haute concentration. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, parce que nous allons parler, nous allons dire beaucoup de choses là-dessus. Lorsque j'ai préparé cette émission tout à l'heure, vous avez ici du vinaigre de 4 voleurs. On appelle ça vinaigre de 4 voleurs. Vinaigre de 4 voleurs, mais vous n'allez pas retrouver ces ingrédients qui sont très importants pour notre corps. Vous ne pouvez pas les avoir en Afrique. Ça, le vinaigre des quatre voleurs peut vous maintenir en vie, même lorsque vous êtes attaqué par un virus comme le coronavirus. Ça peut vous maintenir, ça peut tuer toute marque de virus, ça peut tuer toute marque de microbes. Vous voyez, toute marque de microbes, et ça maintient vos cellules en vie. Cela est très important de le savoir. Vous voyez, nous n'avons pas souvent de temps pour se reposer et manger correctement. Le manque de temps pour manger et se reposer correctement, il n'y a rien de mieux qu'un bon repos que nous qualifions justement des réparateurs pour favoriser donc le processus de guérison de notre organisme. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Si nous ne parvenons pas à maintenir ou en beaucoup d'occasions, le repos tout seul est capable de guérir la maladie, n'importe quelle maladie. Le repos tout seul, et lorsque nous consommons les aliments, parce que la science appelle ça des aliments qui ont un pouvoir thérapeutique, le guide des aliments et de leur pouvoir curatif, le guide des aliments et leur pouvoir curatif. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents que je m'en vais vous présenter, que vous devez absolument avoir chez vous et ou bien suivre une formation particulière pour que vous soyez en bonne santé. La santé ne se trouve pas dans les hôpitaux. L'hôpital est là pour vous aider tout simplement, mais il n'est pas là pour vous former dans le domaine de l'entretien de vos cellules. Vous voyez, l'entretien de vos cellules, parce que la cellule, c'est la vie. Dans la cellule, il est important de comprendre que la cellule joue plusieurs rôles. Le premier rôle de la cellule, c'est d'absorber les nutriments que vous consommez. Et si vous ne consommez pas ces nutriments, c'est sûr et certain que la cellule va commencer à s'affaiblir. Et si la cellule commence à s'affaiblir, vous aurez des problèmes cardiaques, vous aurez des problèmes. Toutes les maladies vont commencer à vous attaquer parce que vos cellules commenceront aussi à vous abandonner. Vous avez, par exemple, les maladies du système nerveux. Lorsque vos cellules ne répondent pas du tout, ne parviennent pas à recevoir les nutriments importants pour le bon fonctionnement, pour leur bon fonctionnement. Vous aurez les maladies du système nerveux, par exemple la nervosité. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui ont une nervosité extraordinaire. C'est-à-dire, moins de choses comme ça, ils se fâchent. Alors que c'est déjà une maladie et ça provient des cellules parce que les cellules ne reçoivent pas les nutriments très importants qui peuvent t'amener à ne pas se fâcher. Et parfois, chez les chrétiens, on commence à chasser les démons de nervosité. Ils se fâchent tout le temps. C'est un démon. Alors que ce n'est pas un démon, c'est parce que la cellule ne reçoit pas du tout les nutriments importants comme ce desmodium que je viens de vous présenter tout à l'heure. C'est pour le fonctionnement hépatique. Vous savez, le foie, votre foie, a un rôle très important. C'est le moteur de votre corps, votre foie. Et tous ceux qui ont des problèmes, par exemple, des problèmes hépatiques, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite, en prenant ce genre de choses qu'on ne trouve pratiquement pas en Afrique. Donc, si vous avez besoin de ce genre de produits, vous pouvez passer la commande en m'appelant tout simplement. Et je peux également vous suivre parce que je suis nutritionniste et en même temps naturopathe. Donc, je peux vous suivre à distance. Et la politique ne protège pas votre système de défense. La politique ne protège pas aussi vos cellules, ne peut pas nourrir vos cellules. Même la religion ne peut pas nourrir vos cellules. Et Dieu n'est pas là pour nourrir vos cellules, s'il vous plaît. Même si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes imam, vous êtes, je ne sais d'où vous persévérez, mais sachez que la religion n'est pas là pour nourrir vos cellules. Dieu avait créé les aliments nécessaires pour nourrir vos cellules. Et si vous développez les maladies, par exemple, la nervosité, l'hyperactivité et l'agressivité, vous voyez, certaines personnes sont tellement agressives. Et on parle généralement du démon chez les chrétiens, on parle du démon, c'est un démon d'agressivité. Et pourtant, c'est déjà une maladie. C'est parce que la cellule connaît des problèmes. Et j'ai un autre produit, puisque nous sommes en temps réel. Ce produit, c'est quoi? C'est un produit qui est fabriqué à base de l'ail. L'ail qui est cultivé en Afrique. L'ail qui est cultivé en Afrique, On ne parvient pas du tout. Donne-moi ça un peu chinois. Oui. Avec ça, vous voyez, j'ai acheté ça en Afrique récemment. Et nous avons un problème, le coronavirus qui paralyse les cellules de vos poumons et il parvient à vous tuer. On compte un nombre important de personnes dans le monde entier. Après, vous allez me dire que ce n'est pas un produit pharmaceutique. Oui, ce n'est pas un produit pharmaceutique, mais c'est Dieu qui a créé l'ail. Et l'ail, c'est un antibiotique naturel. Excellence. Par excellence, comme mon épouse vient de le dire, un antibiotique par excellence. Ça détruit, ça neutralise tout ce qui est comme virus. Et lorsque vous prenez le temps de consommer ce genre de choses, regardez, ça a été fabriqué naturellement au Cameroun. Fabriqué naturellement, alcool d'ail. Et lorsque vous prenez ça, voici, quand vous mettez ça dans la bouche, vous allez comprendre, ça brûle. C'est pas que ça brûle, ça brûle pour détruire les cellules, non. Mais ça détruit tout ce qui est comme virus. Tout ce qui est comme virus, vous voyez. Mais vous n'aurez plus assez de problèmes physiques. Vos cellules seront également purgées parce que c'est l'ail. On parle de migraines, maladies du cœur, ulcères gastriques, sinusite chronique, rhumatisme. Ça absorbe les tumeurs internes et externes. Ça renouvelle aussi tout l'organisme. L'ail en question, ce que nous avons ici sur cette petite bouteille qui est réellement placée devant moi. Vous avez les maladies du cœur, par exemple, l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde, les arythmies, par exemple, l'asthme cardiaque, la myocardiopathie chronique, la myocardie également, l'insuffisance cardiaque. Vous avez toutes ces maladies aujourd'hui. Et lorsque il y a ce qu'on appelle l'asthénie, c'est-à-dire une faiblesse qui touche également le système de défense, toutes ces maladies vont tomber sur vous. Vous avez les maladies des artères, lorsque vous avez l'asthénie, donc votre système de défense connaît un problème urgent. Et vous ressentez cette fatigue. Lorsque vous ressentez cette fatigue, mais sachez que en ressentant cette fatigue physique, il y a aussi ce qu'on appelle la fatigue du système immunitaire. Vous avez aussi la fatigue qui vient, par exemple, tout simplement parce que vous n'avez pas pu consommer tout ce qui est nécessaire pour que toutes ces maladies disparaissent dans votre corps. On vous parle tout simplement des vaccins. Moi, je ne suis pas contre le vaccin, mais Dieu n'a pas créé un vaccin pour que vous soyez effectivement protégés. Ce que Dieu a créé, c'est le système de défense. On ne vous parlera jamais du système de défense parce que si votre système de défense est bien aiguisé, je vous le jure que les maladies du cœur vont disparaître, les maladies des artères, l'athérosclérose, l'apoplexie par exemple, l'hypertension artérielle, l'hypotension artérielle, l'altération de la tension artérielle. Le syndrome de Raynaud également, la fragilité vasculaire, ce qu'on appelle la fragilité vasculaire, l'engelure, donc les accidents vasculaires également cérébrales ne vous toucheront pas du tout. Pourquoi un homme comme celui-là que nous venons de perdre en Côte d'Ivoire, nous perdons comme ça tous les jours au Congo démocratique, on a perdu, au Cameroun, on a perdu 108 pasteurs. J'ai dit bien 108 pasteurs pendant la période de confinement. 108 pasteurs sont morts. Pourquoi? Parce que leur système de défense était faible. Leur système de défense était faible. Pourquoi? Vous voyez, ça c'est le magnésium marin, vitamine B6, fatigue, système nerveux. Tout ce qui travaille, qui fonctionne, les fonctionnaires par exemple, les banquiers par exemple, et qui ne parviennent pas du tout à se nourrir correctement, je dis bien à se nourrir correctement, doivent utiliser les compléments alimentaires. Ces compléments alimentaires, ça, ce sont des ampoules, vous voyez. Déjà, c'est une ampoule que vous pouvez boire, fabriquée scientifiquement par des laboratoires. Donc, c'est le magnésium qui contribue à réduire la fatigue et au fonctionnement normal du système nerveux. Et vous achetez ça tout simplement. Vous achetez ça, et puis surtout les gens qui travaillent intellectuellement, ils sont engagés intellectuellement matin, midi, soir, ou bien les hommes de Dieu, ils travaillent également intellectuellement, mais vous ne parvenez pas à consommer ce genre de produits qu'on ne trouve généralement pas en Afrique. On ne trouve pas ça en Afrique. Et c'est ça le grand problème. Vous allez manger le macabo, vous allez manger les nyams, la tchéké tous les jours, parce que la tchéké ne peut pas vous nourrir du matin au soir, renforcer votre système de défense. C'est pratiquement impossible. Je dis pratiquement impossible, et vous serez attaqué par des maladies. Après, on va parler de sorcellerie. Après, on va parler de tu as été vendu ou bien empoisonné. Vous voyez. Vous avez les maladies du sang. Les thromboses, par exemple, les anémies, par exemple, les cancers du sang qui frappent beaucoup de personnes en Afrique. Qui frappent beaucoup de personnes en Afrique. Vous avez les maladies des yeux, la cécité nocturne, la conjonctivite, mal aux yeux, les pertes d'acuité visuelle, la cataracte, par exemple, la dégénération maculaire également de la rétine, le glaucome, par exemple. Toutes ces maladies se développent pourquoi? Parce que vos cellules ne reçoivent pas les nutriments importants pour pouvoir réellement se défendre, tout simplement. Alors, si ces cellules ne reçoivent pas les nutriments, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que vous aurez des problèmes. Je dis bien toutes les boîtes là. Vous aurez des problèmes physiques, toutes les maladies que je suis en train de citer. Vous voyez, ça, ce qu'on appelle le curalgique. Le curalgique, c'est quoi? Et vous ne trouverez jamais ces produits en Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains, je ne sais pas ce qui se passe dans notre continent. Le curcuma aide à maintenir la mobilité et la souplesse des tendons et les articulations. Complément alimentaire à base de préparation de plantes et de bourgeons. Préparation de plantes, ça c'est à base de curcuma. Vous savez, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. C'est des produits très importants et qui seront également dans notre parapharmacie qui va ouvrir les portes au Hilton sous peu de temps. Tous ces produits, vous allez les rencontrer effectivement dans cette parapharmacie au niveau du Cameroun. Au niveau d'Abidjan, de Kinshasa, partout, sachez que si vous passez par la parapharmacie en ligne, Ezo Parapharmacie, c'est-à-dire ESO Parapharmacie, Ezo Parapharmacie, ESO, Ezo Parapharmacie, sur Facebook, vous allez rencontrer beaucoup de produits, pas ces produits, mais vous allez rencontrer encore beaucoup de produits que nous mettons en ligne pour cette parapharmacie. Et que vous allez peut-être passer la commande. Donc vous avez les maladies de l'appareil digestif, tout ceci à cause de la fatigue des cellules. Et la fatigue des cellules arrive pourquoi? Parce que les cellules ne parviennent pas à recevoir tous ces nutriments. Tous ces nutriments, par exemple le curcuma, que vous ne connaissez même pas l'utilisation. Nous avons ça ici également. Curcuma 6000. Poivre noir, articulation, ainsi de suite. Vous voyez, quand vous prenez ça, même si vous avez des maux de tête, vous n'aurez plus, et il y aura une circulation sanguine au niveau de vos tendons, au niveau des muscles et autres. Donc, les maladies de l'appareil digestif, l'aérophagie également, la neurésie, l'appendicite qui frappe beaucoup de personnes, l'auto-intoxication intestinale parce que vous mangez mal, la carie dentaire, la colite ulcéreuse, le côlon irritable et également la constipation, les maladies du côlon également, la diverticulose, les fistules, le manque d'appétit, les plaies dans la bouche. Ce sont des maladies. Et toutes ces maladies, partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important parce que vous allez toujours accuser. En Afrique, on dit toujours c'est la sorcellerie. Mais c'est la tante. C'est telle grand-mère qui a tué, qui a fait ceci. Un monsieur, par exemple, qui ne fait que boire son alcool. Et un monsieur ou une dame qui ne mange pas, qui n'équilibre pas son alimentation, qui ne consomme pas du tout les compléments alimentaires, qui ne connaît rien sur le fonctionnement de son organisme, il ne connaît rien. Les Africains ne connaissent rien sur le fonctionnement de leur organisme. Ils vont à l'hôpital, ils s'abandonnent entre les mains du médecin. Et parfois, aujourd'hui, comme il y a coronavirus, il y a trop de dérapages dans les hôpitaux. Parfois, bon, je ne vais pas m'étaler, je ne vais même pas entrer dans ces histoires. Mais il y a les maladies de l'estomac, la dyspepsie également, la gastrique, ce qu'on appelle l'hernie hiatale. Vous avez l'ulcère gastro-duodénal qui frappe beaucoup de personnes aujourd'hui, qui détruit la vie des croyants, que ce soit dans toutes les religions. Ils ont toutes ces maladies. Et surtout au niveau du christianisme, ils attendent que Dieu guérisse. Dieu ne peut pas vous guérir si vous abandonnez votre corps, vos cellules. Vous ne parvenez pas à protéger vos cellules par le canal de cette alimentation, l'alimentation qui est un facteur déterminant pour la santé totale de votre corps. Donc, et comme je le disais au début de cette émission, une santé optimale exige un apport suffisant et équilibré. Des hydrates de carbone, des protéines, des graisses, pas des graisses saturées comme des beurres que vous consommez, des vitamines aussi, des minéraux, des enzymes et des éléments phytochimiques, des fibres non digérables. Tout ceci, la cellule a véritablement besoin de tout ce que je viens de citer. Ceci est très important. Donc, vous avez aussi les maladies de l'appareil reproducteur. Vous avez l'aménorrhée, par exemple, disparition des règles, l'andropause également. L'avortement spontané, la congestion mammaire, la dysménorrhée, les règles douloureuses qu'on attribue toujours au mari de nuit, l'ectopie testiculaire chez les hommes, la grossesse et aussi l'accouchement, la frigidité, l'hypertrophie de la prostate, l'hypotonie dans les seins d'une femme, l'impuissance sexuelle masculine. La mastopathie également fibroquystique, l'hypertrophie de la prostate, les faiblesses sexuelles, toutes ces maladies. Aujourd'hui, partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important pour vous. Très important pour vous, parce que vous allez accuser le diable si mon mari est faible sexuellement, si ma femme, on n'a pas de rapport sexuel. Oh, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, ou bien le prophète commence à donner des indications, des prophéties bizarres qui n'ont parfois pas de sens. Vous voyez, vous avez les maladies de l'appareil locomoteur, l'arthrite rhumatoïde, l'arthrose également, les crampes musculaires, la dysplasie également, congénitale de la hanche. Au niveau des reins, vous avez toujours mal, les douleurs cervicales, la fièvre rhumatismale aussi, la rigidité du gros orteil, les lésions discales, la lombalgie, mal au talon, mal au pied, les névromes de Morton, oignon, l'orteil en marteau, l'ostéoporose également, les panaries, les pieds-bottes, pieds-creux, le rachitisme. Tout ceci à cause d'une mauvaise alimentation. Lorsque vous mangez mal, vous ne consommez pas tout ce qui est nécessaire. Vous voyez, voici, ça c'est ce qu'on appelle argent colloïdal. L'argent colloïdal, c'est quoi? Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Très important. Dans les maladies de l'appareil respiratoire, par exemple l'asthme, on dit que le COVID-19 qui tue aujourd'hui beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent déjà vos cellules faibles. Ils trouvent déjà le système de défense faible. Hein? Et toutes ces maladies vous tuent également par rapport à la faiblesse de votre cellule, ce qu'on appelle l'asthénie. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Donc, vous avez l'asthme, la bronchite chronique, l'emphysème pulmonaire, l'oquet, la pleurésie, la toux, la tuberculose pulmonaire. Tabac et désintoxication, ça. Le tabac, c'est une maladie. Peut-être vous ne le savez pas du tout, mais le tabac, c'est une maladie. Fumer, et en Europe, c'est grave. Et c'est pourquoi ils sont tués matin, midi, soir par le coronavirus. Et j'étais dans un hôtel l'autre jour avec mon épouse en train de prendre le petit déjeuner. Après avoir passé une nuit dans cet hôtel, c'était le dimanche passé après le culte. Alors, je voyais les hommes qui fumaient, ils quittaient la salle de la restauration pour aller fumer dehors, ils prenaient leur café, Ils buvaient l'alcool et en même temps, ils fumaient. Vous voyez, tout ce comportement, tous ces dérapages apportent quoi? L'asthénie physique qui passe par les cellules. Toutes ces consommations nocives détruisent vos cellules, détruisent le système de défense. Et puis, quand le coronavirus arrive, il n'y a plus un système de défense, il vous détruit. Et puis, on se pose des questions, pourquoi il y a 1 000 morts par jour en Italie, en France, aux États-Unis? Parce que ces gars n'ont pas réellement compris que c'est des toxines qu'ils envoient dans leurs cellules. Ces toxines vont vous détruire. La cellule ne peut plus jouer son rôle adéquat, c'est-à-dire évacuer les toxines, parce que la cellule est faible. La cellule qui est censée donner une information au système de défense qu'il y a un virus, qu'il y a des toxines, la cellule ne joue plus son rôle. Et comme il ne joue plus son rôle, vous serez touché, vous serez détruit. Vous voyez? C'est ce qui arrive aux personnalités politiques africaines qui meurent tous les jours. C'est ce qui arrive aux personnalités européennes qui meurent tous les jours. Et ce qui arrive aux personnalités mondiales qui meurent également tous les jours aujourd'hui. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas mourir, vous allez mourir, mais vous mourrez avant le temps. Pourquoi? Et vos familles commencent à souffrir parce que vous ne prenez pas soin de votre organisme. Nous avons les maladies de la gorge, le nez, les oreilles, mal à l'oreille, otite moyenne. Partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important pour vous. Vous avez ce qu'on appelle aussi l'enroulement, les pharyngites également chroniques, les rhinites, la sinusite, surdité, la sinusite qui frappe beaucoup plus de personnes en Afrique. Et aussi, surtout parce qu'il y a un temps chaud, il y a un temps froid. Et si vous avez des cellules qui remplissent leur fonction tout à fait normale, et vous n'aurez pas pratiquement ce problème. Nous avons le cancer, des maladies qui touchent au cancer bronchopulmonaire, les cancers de poumons, les cancers d'estomac, les cancers des seins, cancer du utérus, cancer de la vessie, cancer des ovaires, cancer du côlon, cancer du foie, cancer de larynx également, cancer du nasopharynx également, les cancers du pancréas. Cancer du rein. Nous avons les infections, l'immunodépression, la fièvre, le paludisme, le sida, par exemple, qui frappe beaucoup plus aujourd'hui. L'immunodépression, ça veut dire également, c'est un système de défense défectueux. Alors, ce qui est plus intéressant, ce que je viens de dire, qui est plus intéressant, si on commence à consommer tout ce qui est comme végétaux verts, du germe des céréales aux carottes, vous allez voir que si vous consommez aussi tous ces compléments alimentaires, on ne les consomme pas en désordre, s'il vous plaît. Il faut être guidé par un spécialiste. Vous aurez un système de défense, je dis, vous aurez un système de défense bien équilibré et toutes ces maladies vont disparaître. Vous voyez, les facteurs essentiels lorsqu'on nous consommons de la nourriture traditionnelle. La nourriture que nous écrasons d'abord, que nous préparons d'abord au feu. Et cette nourriture qui n'est pas intéressante pour nos cellules. Et nos cellules, partagez la vidéo, continuez à partager la vidéo. Nos cellules attendent ce qu'on appelle les nutriments importants. Et ces nutriments importants, il est important de savoir que toute graine céréalière est normalement formée d'une coque. Donc, à l'intérieur de cette coque se trouvent des germes et d'une partie centrale. Donc, le germe et la coque sont riches en minéraux, en oligo-éléments indispensables à la vie. Les manganèses que je viens de présenter tout de suite. Ce manganèse, les voici. Et le blanc, lui, voici ce qu'on appelle manganèse. Et le blanc, lui, vous voyez? Donc, le manganèse qui est très important, et ça se retrouve également dans ce qu'on appelle dans nos aliments que nous consommons. Mais comme ces aliments sont transformés, Il est donc difficile aujourd'hui de pouvoir trouver du manganèse dans des aliments qui sont effectivement transformés, pardon. Donc, et ce sont ces déformations alimentaires et nutritionnelles du régime occidental, parce que ce sont les Blancs, les Occidentaux, qui ont commencé à transformer en fabriquant, par exemple, la farine de blé pour faire du pain blanc, le sucre également, et tout ce que vous savez sur la transformation. Et cette transformation vient de l'Occident. C'est lui que les autres peuples veulent imiter, comme les Africains, comme les autorités africaines également veulent imiter, en consommant tout simplement des aliments transformés, puisque nous sommes modernes. Alors nos autorités consomment toujours les aliments transformés. Et s'ils consomment les aliments traditionnels de leur famille, ce qu'on appelle les mémoires cellulaires, ces mémoires cellulaires nous ont habitués à consommer, par exemple, la tchéké. En Côte d'Ivoire, on consomme beaucoup plus la tchéké. Et au Cameroun, on consomme des aliments traditionnels selon les ethnies. Les Bamléké consomment beaucoup plus le nkoui, et les Bétis consomment la sauce d'arachide ou bien les feuilles de manioc. Et les Bassa consomment, je ne sais pas, la sauce graine, un mélange de. Les Douala consomment l'ondolé. Et parfois, ils peuvent consommer l'ondolé 4 ou 5 fois par semaine. Les Bafia consomment aussi les feuilles de manioc avec le foufou, c'est-à-dire les graines de maïs écrasées, ce qu'on appelle également une transformation. Et ça n'a aucun nutriment à l'intérieur. Et vous voyez, les céréales, le riz, le millet, le maïs, le blé, le seigle, sans transformation, étaient une alimentation idéale lorsque ces aliments n'étaient pas transformés. Et ces aliments sont transformés aujourd'hui par la main de l'homme, que ce soit du côté traditionnel, que ce soit du côté occidental. Les Occidentaux ont réussi à transformer le blé, ils ont réussi à transformer le maïs, ils ont réussi à transformer le seigle. Et vous voyez, les protéines indispensables venaient des légumes. Les légumes secs, haricots, pois, lentilles, et dans la plupart des civilisations, dans une bonne moindre mesure, les pêches, la chasse, les animaux domestiques élevés d'une manière biologique. D'une manière biologique. Nous ne consommons plus ce qui est biologique, donc élevé naturellement dans les villages. Vous voyez, j'étais au Cameroun récemment, et les œufs des poules qui sont élevées dans les villages, ces œufs sont achetés par la population pour offrir aux féticheurs. C'est le féticheur qui te demande de l'apporter 2 œufs, 3 œufs traditionnels. Et mais quels sont les œufs que nous consommons aujourd'hui? Ce sont les œufs des poules élevées industriellement, nourries avec des produits chimiques. Et ces œufs n'ont aucun pouvoir, aucun nutriment, aucune vitamine convenable qui peut nourrir réellement nos cellules. Les œufs que nous consommons traditionnellement, venant des villages, naturellement, ces œufs sont tellement nourrissants avec tous les nutriments à l'intérieur, surtout le jaune d'œuf qui est à l'intérieur. Si vous prenez tout simplement, avec le jaune d'œuf, vous prenez tout simplement le jus de betterave. Le simple jus de betterave, vous mélangez avec le jaune d'œuf, vous buvez comme ça 3 fois par jour. Vous avez d'abord le fer, vous avez toujours, s'il y avait l'asthénie par exemple, prolongée, qui est le syndrome de fatigue chronique dans vos cellules, ça va relever, ça va réellement vous donner. Ça va vous donner de la vigueur, de la force. Vous voyez, c'est très important ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. Parfois, les gens ne prennent pas ce genre d'explication au sérieux et ils iront voir des pasteurs, des féticheurs, des marabouts en disant prie pour moi. Alors que réellement, ce monsieur, cette femme, s'il m'avait écouté, il allait récupérer la santé qu'il avait perdue depuis longtemps, depuis qu'il a commencé à manger en désordre. Il a perdu cette santé. Parce que Dieu avait déjà créé des aliments avant la chute de l'homme. Dieu avait créé des aliments avant la chute de l'homme. Vous voyez. Et il dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 29, il dit à l'homme, il indique à l'homme ce qu'il doit manger. Mais est-ce que nous consommons ça aujourd'hui? Allez lire. Je ne suis pas là, je ne prêche pas aujourd'hui, mais je vous donne des indications. Vous voyez, il y a également le repos. Les hommes politiques ne se reposent pas du tout. J'ai vu, lorsque j'ai écrit à la présidente de la République l'autre jour, au sujet des projets que j'ai ramenés de Dubaï, et mon DG de la société que j'avais créée reçoit un coup de fil de la présidence à 2h du matin. 2h du matin, ça veut dire que ces gens continuent à travailler jusqu'à 2h du matin. Où est le temps du repos et relax? Il n'y a rien de mieux qu'un bon repos que nous qualifions justement de réparateur pour favoriser le processus de guérison de l'organisme. En beaucoup d'occasions, le repos tout seul est capable de guérir la maladie lorsqu'il y a des nutriments dans les cellules, les nutriments que nous ingérons tous les jours. Car le repos, il facilite les processus de réparation de l'organisme qui vainquent la maladie. En outre, le repos permet que le système immunitaire mette en marche les défenses contre les agents infectieux. Lorsque nous nous reposons, le système de défense met en marche les défenses contre les agents infectieux. Lorsqu'il n'y a pas de repos, le système de défense ne peut pas mettre en marche, je dis bien, les défenses contre les agents infectieux. Sans un repos adéquat, l'organisme se trouve dans une situation d'infériorité pour conserver la santé et résister à la maladie. Le système de défense ne peut rien si nous ne nous reposons pas. Si toi, tu ne te reposes pas, j'ai vu beaucoup de pasteurs mourir par manque de repos. Ils jeûnent 24 heures sur 24. Ils lisent la Bible, ils prient, ils ne dorment pas. Les gens prient jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin, alors qu'ils sont censés aller au travail le lendemain. Il n'a pas pris un bon repos toute la nuit. Il était en prière. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a créé une nuit et un jour pour une utilisation normale. Nous travaillons dans la journée, nous prions dans la journée. On peut prier jusqu'à 21h ou bien jusqu'à 20h, jusqu'à 21h. Mais lorsque nous allons déjà au-delà de minuit, ça veut dire que nous sommes en train de provoquer Dieu, de dire à Dieu que tu ne connais rien du tout. La vie se développe d'une façon rythmique. Dans la nature, il y a le rythme jour et nuit, et celui des saisons aussi. Les astres suivent un rythme précis. Le rythme peut être facilement observé dans le monde végétal. Avec les premiers rayons du soleil, les fleurs s'ouvrent, vous voyez, pour se fermer à la tombée du soir. Donc, les substances contenues dans les parties visibles d'une plante se retire l'arrivée de la nuit et au bulbe. Le lendemain, elles reviennent aux tiges, aux feuilles et aussi aux fleurs. Vous voyez? Donc, les animaux suivent aussi des cycles exacts et précis dans la construction de leur nid et repères, dans la migration annuelle et aussi dans les époques d'accouplement. Le rythme circadien du jour et la nuit, ainsi que celui annuel des saisons, influe sur tous les êtres humains. Les humains y compris, nous nous trouvons tous soumis au rythme vital d'une montre biologique. Si nous ne parvenons pas du tout à se reposer, toute la vie consiste en une alternance rythmique entre des périodes d'activité et de repos, de tension et de relaxation. La personne qui exige continuellement trop à son organisme doit probablement finir par lui conférer le repos nécessaire avec une longue période de maladie ou bien la mort. C'est pourquoi je reviens sur le décès de l'homme d'État ivoirien. Si vous regardez dans son calendrier de travail, il n'y avait certainement pas assez de repos. Je ne dis pas, je ne confirme pas, il n'y avait certainement pas assez de repos. Pourquoi le problème a commencé seulement au moment où le conseil ministériel se déroule? Pourquoi? Je m'adresse à tous les ministres. Je m'adresse aussi à tous les cadres. Je m'adresse aussi à tous les hauts fonctionnaires. à tous les DG, à tous les PDG, à tous les PCA. Je m'adresse aussi à tous les pasteurs, à tous les archevêques, à tous les papes, parce que vous avez besoin du sommeil. Vous avez besoin du repos. Et je répète, la personne qui exige continuellement trop à son organisme doit probablement finir par lui conférer le repos nécessaire avec une longue période de maladie ou bien la mort. Toute personne soumise à des tensions psychiques a besoin de périodes de repos lui permettant de se retrouver soi-même, de la tranquillité, du loisir et des heures placides qui renouvellent son énergie, ses idées et ses connaissances. Nous devons donc apprendre à reconnaître et assumer ces rythmes vitaux. Nous pouvons gaspiller de l'énergie, mais nous avons aussi besoin de la récupérer. Il ne suffit tout simplement de donner, mais il est aussi indispensable de recevoir. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Vous voyez, ça c'est le donner qui est ce qu'on appelle dans la Bible s'aimer. Mais il faut également recevoir l'énergie. Cette énergie vient du repos. Lorsque les biorhythmes ne sont pas respectés et les périodes de repos sont altérées ou réduites, l'organisme s'affaiblit de plus en plus et devient vulnérable ou bien déséquilibré d'une manière psychique. Et aussi, la maladie va nous attaquer et nous vaincre. C'est cette maladie qui tue. C'est cette maladie qui frappe, c'est cette maladie aujourd'hui, tu entends qu'il est mort subitement au cours d'un conseil des ministres, le pasteur qui prêche à l'église, comme moi-même, ce qui m'est arrivé au Cameroun récemment, pendant que j'étais en train de prêcher, parce que le matin, je n'avais pas pris mon petit déjeuner, je n'avais pas bu des liquides comme l'eau, comme les jus naturels, et j'avais travaillé jusqu'à 2h à 14h du soir, sans toutefois nourrir mes cellules. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? J'ai observé que j'étais en train de m'affaiblir à partir des pieds et j'avais chuté. J'avais chuté devant tous les brebis, les milliers de personnes. S'il n'y avait pas autour de moi un nombre important de gardes qui m'avaient soutenu, et si ma tête avait cogné le sol, et pourtant je prêchais l'évangile. Monsieur le pasteur, faites très attention avec votre corps, faites très attention avec votre organisme. Monsieur le président de la République, fais attention avec ton corps, parce que le travail ne finit pas. Monsieur le ministre, fais attention avec ton corps, parce que le travail ne finit pas. C'est l'homme qui finit. Voici le premier ministre qui est parti, et c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire, c'est une grande perte pour le Cameroun, pour l'Afrique, c'est une grande perte. Je dis bien, c'est une grande perte. Nous pouvons gaspiller de l'énergie, mais nous avons aussi besoin de la récupérer. Très important. Le sommeil nocturne de chaque jour constitue la période de repos par excellence et correspond au premier et plus évident des cycles, le circadien, dans sa phase nocturne. Or, le sommeil ne consiste pas dans un simple épisode d'inactivité et de perte de conscience. C'est ce que nous appelons généralement le sommeil, chez nous, en Afrique. Or, le sommeil ne consiste pas tout simplement à aller se coucher, une petite perte de conscience, on fait plusieurs rêves, ou bien ne pas faire des rêves, comme certaines personnes ne font pas des rêves. Et durant le sommeil, se produit des phénomènes de réparation, de réajustement et de mise au point dans tout l'organisme, notamment dans le cerveau. Et si le cerveau ne se repose pas correctement, vous aurez des attaques cérébrales. Et on va attribuer ça à la sorcellerie. À la sorcellerie. Parce qu'en Afrique, c'est toujours la sorcellerie, c'est toujours la sorcellerie, c'est toujours la sorcellerie, c'est toujours la sorcellerie. Chez nous, en Afrique, c'est comme ça. Mais on ne peut pas donner des conseils à qui que ce soit. On connaît beaucoup, l'Africain connaît trop. Il ira consulter les féticheurs, les marabouts. Il ira consulter les pasteurs et les prophètes, disant que voici ce qui m'arrive. Alors que le bon monsieur, la bonne dame ne se repose pas correctement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez encore. Cette vidéo peut sauver des vies. Durant le sommeil, il se produit des phénomènes de réparation, de réajustement et de mise au point dans tout l'organisme, notamment dans le cerveau. Pour ce que le sommeil soit vraiment un repos et que l'éveil se produise avec une agréable sensation de bien-être, Il y a ceux qui se réveillent avec des maux de tête, des douleurs d'articulation. Il faut tenir compte de plusieurs recommandations pour que votre, quand vous vous réveillez, qu'il y ait réellement de l'énergie. De l'énergie, partagée encore. Dormir et se reposer. Pour obtenir un sommeil vraiment réparateur, il faut respecter impérativement ces conditions requises. Se coucher tôt, au moins 2 heures avant minuit. Éviter les stimulations intenses ou désagréables dans les heures qui précèdent le sommeil, comme par exemple celles qui découlent des films violents ou bien des lectures excitantes ou bien ainsi que toutes sortes de travail intellectuel ou physique très intense, travailler avec les réseaux sociaux, Facebook et autres. Avant de se coucher, vous voyez, les gens sont connectés sur Facebook matin, midi, soir, jusqu'à 2h du matin. Vous êtes en train de détruire vos cellules, vous voyez. Essayez de dîner au moins 2h avant d'aller au lit. N'ayez pas ingéré des liquides 2 ou 3 heures avant d'aller se coucher. Il y a d'autres qui boivent l'alcool avant d'aller se coucher. Il est déjà rempli d'alcool et il boit des trucs vraiment... Pas seulement l'alcool, même si c'est des simples jus, vous ne devez pas les ingérer, avant d'aller se coucher, même si c'est des simples jus naturels. Vous venez de boire un poison qui va détruire vos cellules. Hein? N'ayez pas ingéré des liquides 2 ou 3 heures avant d'aller se coucher. Essayez que la chambre où l'on dort soit bien aérée, si les conditions extérieures le permettent. L'idéal est de dormir avec la fenêtre ouverte. Si vous êtes réellement à l'étage, ou bien à deux étages, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux, ouvrez les fenêtres. Et si vous êtes au premier niveau, ne le faites pas parce qu'il y aura des moustiques, il y aura également des agresseurs qui passeront par là. Essayez que la chambre où l'on dort soit bien aérée. Éviter de dormir dans les endroits où il y a du bruit nocturne. Comme la plupart des églises, il y a mon voisin là-bas au Cameroun, et il a raison, il a une clinique, et il se plaint tout le temps. Parfois, mes pasteurs mettent un volume intense, et ça m'énerve. Vous ne pouvez pas déranger tout le quartier à cause de votre Dieu. Votre Dieu n'est pas là pour déranger les gens, pour déranger les voisins. C'est très dangereux, très, très, éviter les bruits nocturnes. Éviter de dormir dans des endroits où il y a du bruit nocturne. C'est très important. Messieurs les pasteurs, votre foi, votre Dieu ne vous permet pas de déranger les voisins. De déranger les voisins avec des bruits, disant que tu pries, ou bien tu entres dans la chambre, tu commences à prier jusqu'à soulever le plafond, réveiller tout le monde dans la maison. Ceci n'est pas du tout normal. Messieurs les enfants de Dieu, mesdames les enfants de Dieu, faites très attention à ce que vous faites parce que vous provoquez un suicide, vous provoquez les attaques cardiaques et vous tuez les gens à cause de votre foi, sans le savoir dans votre ignorance. Vous voyez, il y a les 3 cycles naturels d'activité repos. Le rythme de la vie consiste dans 3 types de cycles où il doit se produire une alternance rythmique entre le travail et le repos. Il y a le cycle quotidien, il dure 24 heures et est déterminé par l'alternance jour et nuit d'origine astronomique. Si on ne parvient pas, de ces 24 heures, à prendre un repos, il faut donc se reposer une moyenne de 7 à 8 heures pour les adultes, 10 heures pour les enfants. Respecter le cycle quotidien de repos s'avère fondamental et ça... Préviens également, les maladies ne vont pas vous attaquer n'importe comment. Partagez la vidéo. Hein? Le cycle hebdomadaire, par exemple, son origine est clairement biblique. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ce sont les scientifiques qui sont en train de citer ce verset biblique, Exode chapitre 20, versets 9 à 10, que les pasteurs ne respectent pas du tout. Que les pasteurs, y compris moi qui parle, je ne respectais jamais ce repos. Je travaillais parfois 7 jours sur 7. Hein? Et mon corps physique, mes cellules ont pris réellement des coups. Vous voyez, Le cycle annuel est déterminé par les changements de saison, de même que le cycle quotidien d'origine astronomique. Dans la culture occidentale, hormis quelques exceptions, il a été établi la saine habitude de se reposer au moins un mois sur 12. Les Blancs, eux, ils connaissent l'importance du repos. C'est le Noir qui ne connaît pas l'importance du repos. Qui ne connaît pas du tout l'importance du repos. Il ne connaît pas du tout l'importance de l'alimentation. Il ne connaît pas du tout l'importance de l'oxygène que nous devons réellement envoyer dans les cellules tous les jours. Je reviens sur le problème du masque. Le masque qui est recommandé aujourd'hui sur les mesures barrières contre le coronavirus. Moi, je m'inscris en faux que réellement ce masque-là. Je ne vous demande pas de ne pas porter. Mais il y a un problème. Lorsque vous mettez le masque, vous ingérez le gaz carbonique qui revient des poumons. C'est-à-dire, le gaz carbonique, les cellules ont rejeté le gaz carbonique qui est un produit toxique pour l'organisme. Et lorsqu'il arrive au niveau des narines, les narines sont fermées avec le masque. Et il reste là, devant les narines, et vous réingérez ce gaz carbonique parce que le masque l'empêche de partir. Lorsque vous réingérez ce gaz carbonique, qu'est-ce qui se passe? Ça entre de nouveau dans les poumons et le système de défense prend un coup. Je ne sais pas si réellement les scientifiques qui ont proposé ce système de protection touchant le coronavirus COVID-19 ont réfléchi par rapport. Parce que à l'école primaire, on m'a enseigné que nos cellules vivent avec l'oxygène et que notre système respiratoire rejette le gaz carbonique et absorbe l'oxygène qui passe par les poumons. Et les cellules doivent vivre à cause de l'existence de cet oxygène qui est très important pour les cellules. Maintenant, nous portons des masques. La bouche est fermée, les narines sont fermées et le gaz carbonique qui revient de l'intérieur de notre corps en passant par les poumons passe par les narines, reste donc accumulé devant nos narines et nous sommes obligés de renvoyer en respirant de renvoyer ce gaz carbonique à l'intérieur de nos poumons. Alors, dites-moi, messieurs les scientifiques qui ont préconisé ce système de protection, mais où est-ce que vous mettez réellement cette injonction? Où est-ce que vous mettez réellement cette science qui dit que nous vivons à cause de l'oxygène que nous ingérons tous les jours? Et que le gaz carbonique détruit les cellules, affaiblit le système de défense. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je dis, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Moi, j'ai fait Yaoundé, Paris, avec le masque sous les narines. J'étais tellement énervé dans l'avion qui m'a ramené de Yaoundé jusqu'à Paris. Et quand je suis sorti de l'avion, j'étais déjà faible physiquement. Quand je suis sorti de ce vol, j'étais déjà fait parce qu'on impose, dans le TGV également, on vous impose de mettre le masque. Mais est-ce qu'on tient compte de ça, que nous ingérons de nouveau l'oxygène qui devait être normalement rejeté? Je ne dis pas de ne pas le faire. Porter les masques. Moi, je porte le masque. Mais je pose une question tout à fait simple. Simple. Une question simple, en portant le masque, puisque je porte le masque, est-ce qu'on peut m'apporter le masque là? Ma chérie, envoyez-moi le masque. Envoyez-moi un masque et là, vous allez me voir. Je dois mettre le masque. Ok, je mets le masque. J'ai un masque. Là, je suis chez moi, c'est pourquoi je n'avais pas le masque. Là, j'ai les narines. J'ai la bouche. Et puis, je mets le masque. Je voudrais attirer l'attention des scientifiques, tout simplement. Attirer l'attention des scientifiques. J'ai mis un masque. Et le gaz carbonique qui revient de mes poumons est déposé à l'intérieur de ce masque. Ok, puisque le gaz carbonique est déposé à l'intérieur de ce masque et que je dois respirer seconde par seconde, je dois respirer seconde par seconde, je renvoie le gaz carbonique. En renvoyant le gaz carbonique, il reste à l'intérieur du masque. Il est resté à l'intérieur du masque. Et lorsque je vais donc de nouveau respirer, il pénètre de nouveau à l'intérieur par le canal de mes narines. Il se retrouve dans les poumons. Lorsque ce gaz carbonique se retrouve dans mes poumons, il va directement dans le sang, comme si c'était véritablement de l'oxygène. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est une immunodépression, donc la faiblesse du système de défense, parce que une asthénie également, parce que les cellules vont commencer à s'affaiblir. Elles vont commencer à s'affaiblir. Et ça va laisser passer les microbes, les toxines, les virus. Le même virus que nous combattons, aura une occasion, une autoroute, un boulevard pour me détruire. À cause du gaz, j'ai passé le temps à absorber le gaz qui est resté bloqué devant mes narines par le masque. Partagez la vidéo si vous voulez. C'est une question que je pose aux scientifiques, aux médecins et aux autres qui nous demandent tout le temps. J'ai effectué un voyage la semaine passée, Yaoundé, Paris, 6h30 de vol, 6h30 minutes de vol avec les narines bouchées à cause du masque. J'ai effectué un voyage et de Genève à Paris, par vol, avec les narines bouchées, presque une heure de vol, avec les narines bouchées. Et j'ai commencé à ressentir des problèmes au niveau de mes poumons, une faiblesse physique. Et j'étais obligé maintenant, parce que je connaissais, j'étais obligé d'utiliser tout ce produit, le cuivre. Vous avez là le cuivre. Le cuivre qui sert à quoi? Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Ça contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. En buvant ça, j'ai bu tout ce produit. Je suis en train de boire tout ce produit. Et effectivement, j'ai commencé à me sentir bien. Je ne vous demande pas d'arrêter de porter le masque. Je ne peux pas le faire. Moi-même, je le fais. Puisque quand tu es dehors, sur les places, par exemple, dans un avion TGV, partout, et comme je voyage beaucoup, vous êtes obligé de porter. Mais si vous ne vous protégez pas, si vous ne protégez pas effectivement vos cellules, vous aurez des problèmes terribles. Le manque de temps pour se reposer et manger correctement affaiblit votre système de défense, affaiblit vos cellules. Le manque de temps pour manger et se reposer correctement, il n'y a rien de mieux qu'un bon repos que nous qualifions justement des réparateurs pour favoriser le processus de guérison de l'organisme. Le manque d'exercice physique aussi adéquat, c'est lui qui permet que ces muscles s'atrophient par manque d'activité, court le risque de s'affaiblir et de tomber malade. Par manque d'activité physique. Parce qu'aujourd'hui, on est ministre, il n'y a plus d'activité physique, on ne nourrit pas correctement son corps. En plus, on est directeur général, on ne s'occupe pas du tout de son corps. Et surtout, lorsqu'on venait d'être nommé, partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, Cela est bien connu, mais il n'y a pas trop de personnes prêtes à prévenir, voire guérir leur maladie à travers les exercices physiques. Certaines maladies qui résistent aux traitements pharmacologiques peuvent être combattues et guéries à travers un programme adéquat d'exercices physiques. C'est le cas de diverses formes de rhumatisme articulaire, de la bursite également, l'inflammation des bourses sérieuses, des articulations, de l'asthme, des affections pulmonaires, de l'obésité, des troubles cardiovasculaires. Regardez, nous perdons tous les jours des personnalités et leurs familles, la femme, la maman, ou bien l'ethnie, ou bien le pays. Nous perdons tout ce monde tous les jours. Tous les jours. Je dis bien tous les jours. Le sang est la vie, est-il affirmé dans la Bible? Parce que moi, je suis un homme de la Bible. Et c'est vrai, comme le lien de toute activité, comme moyen de transport, c'est le sang qui transporte nos cellules, d'apport et de drainage de tout ce qui est nécessaire et superflu dans chaque coin des tissus, dans chaque cellule. Mais cela est vrai pourvu qu'il soit en mouvement. Car lorsqu'il s'arrête, le sang coagule et la mort se produit. Vous voyez, lorsque vous ne menez pas une activité, un exercice physique adéquat, sachez que vous êtes en train d'appeler la mort dans votre vie. Dans ce sens, nous pouvons dire que la santé est conservée et recouvrée lorsqu'un bon flux sanguin est favorisé. Et par contre, elle est perdue lorsque le sang ne circule pas de façon adéquate par manque d'activité physique. Monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le PDG, monsieur le PCA, monsieur le DG, monsieur le fonctionnaire international, madame fonctionnaire ou quoi, médecin ou quoi, je ne sais quoi. Alors, est-ce que vous menez une activité sportive 3 ou 4 fois par jour pour entretenir vos cellules? Et je viens justement de parler de l'oxygène. Lorsque vous, le système cardiovasculaire facilite la circulation sanguine de retour, stimule également la circulation sanguine et accélère les battements de cœur lorsque vous menez une activité sportive, ce qui améliore l'irrigation des muscles inactifs et des organes internes aussi, y compris le cerveau, y compris votre cerveau. Donc, je vous donne un enseignement complet après avoir parlé des nutriments, après avoir parlé de l'alimentation. Je suis en train de donner des détails sur une autre activité qui contribue à la guérison et à la protection de vos cellules, à la guérison de certaines maladies. Les essais physiques favorisent l'élimination des déchets dans les cellules, évite la coagulation du sang et favorise la fibrinolyse également, c'est-à-dire la dissolution des caillots, et prévient ainsi la thrombose et l'infarctus. Quelqu'un qui meurt subitement, un premier ministre, vous n'allez pas me dire que c'est le diable, vous n'allez pas me dire que c'est la sorcellerie. Voici les conséquences. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas protégé votre corps par toutes ces informations que je viens de donner. Je répète, l'exercice physique favorise l'élimination des déchets dans les cellules. 1. Évite la coagulation du sang et favorise la fibrinolyse. Ça veut dire quoi? Dissolution des caillots. Et prévient ainsi la thrombose et l'infarctus. Sur l'appareil respiratoire, l'activité physique augmente la profondeur et la fréquence de la respiration, ce qui améliore l'oxygénation du sang qui passe par les poumons. Facilite aussi l'expulsion de la mucosité retenue dans les voies respiratoires. Sur l'appareil digestif, améliore la capacité digestive et facilite aussi l'évacuation des fèces. Vous n'allez plus connaître des problèmes. Facilite l'expulsion des mucosités retenues dans les voies respiratoires. Sur l'appareil digestif, améliore la capacité digestive et facilite l'évacuation des fèces. Sur l'appareil reproducteur, de la femme ou de l'homme, la position et fonction des génitaux internes de la femme, notamment de l'utérus. Lorsque une femme mène une activité sportive, ça améliore grâce au renforcement de la musculation, de l'abdomen et du bassin. Donc, même cette femme ne pourra plus jamais connaître des problèmes de kystes, de fibromes, de ceci ou de cela. Il faut améliorer les conditions de votre santé lorsque vous menez une vie saine. Mener une vie saine, c'est la nourriture saine et également c'est des boissons saines également, pas des jus chimiques ou bien des boissons chimiques, mais des jus tout à fait naturels, de l'eau également naturelle et un exercice physique qui augmente la puissance sexuelle aussi. Parce que si vous ne menez pas une activité physique, vous n'aurez pas une activité, vous n'aurez pas une puissance sexuelle également. C'est pourquoi beaucoup d'hommes connaissent les problèmes d'impuissance, des faiblesses sexuelles. Les femmes également, pareil. Chez l'homme, l'exercice physique augmente la puissance sexuelle sur la peau, améliore l'irrigation sanguine et l'hydratation de la peau. Ça contribue à éliminer aussi le dépôt de graisse inesthétique et à tonifier aussi les seins de la femme et le ventre mou. Tout cela permet de rendre aussi au tissu la douceur et l'élasticité qui se perd du fait de l'inactivité. Parce que vous ne menez aucune activité sportive. Et aussi l'âge, les habitudes de vie sédentaire. On reste toujours assis, on dort, on ne bouge pas du tout. Cela n'est pas du tout normal. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je suis déjà vers la fin. Sur l'esprit, un programme d'activité physique mené de façon systématique exerce une influence psychologique très positive sur l'esprit. Canalise aussi beaucoup de tensions physiques et émotionnelles qui peuvent donner lieu à des déséquilibres psychiques et aussi à des altérations fonctionnelles des organes. Ça peut vous conduire à la mort lorsque vous ne menez pas ce genre d'activité physique. Lorsque l'activité sportive, l'équilibre, l'alimentation, le repos et la relaxation manquent, le résultat de tout ceci est que malgré les progrès de la médecine, les humains sont de plus en plus malades. Il y a de plus en plus d'hôpitaux dans chaque pays du globe, de plus en plus d'institutions médicales et centres de recherche. Les maladies comme le sida, le cancer et le Covid-19 restent invaincus. Ça reste invaincu, pourquoi? Parce que vous n'aviez pas respecté tout ça. Et si vous voulez être conduit par quelqu'un qui connaît, vous m'écrivez tout simplement. Vous entrez sur à la page Facebook ESO Parapharmacie, ESO Parapharmacie Facebook, et vous aurez des mails, des numéros de téléphone là-dedans, et vous allez me dire, moi je dois vous suivre parce que je suis d'abord nutrithérapeute, je suis également naturopathe, donc je maîtrise ces choses, je peux vous conduire. Je peux vous suivre également, mais sachez que vous allez payer. Vous allez me payer parce que moi, je paye très cher mes formations en Europe, en France plus précisément. Alors, si vous êtes une personnalité, vous voulez vivre longtemps, vous voulez également recevoir tout ce produit, c'est pas parce que vous les voyez là et que vous allez entrer sur le net pour acheter. Il faut que vous soyez conduit, que vous soyez guidé par un technicien de la santé, parce que vous pouvez consommer tout ça et ça devient toxique pour votre organisme et vous mourrez. Alors, vous devez plutôt me contacter, passer les commandes. Passer les commandes, avant de passer les commandes, je dois d'abord connaître ce que vous avez comme maladie. Qu'est-ce que le médecin a dit? Qu'est-ce que le médecin a donné comme instruction? Et puis, nous allons travailler dans le domaine sportif également, dans le domaine repos également et relaxation. Nous allons travailler aussi dans le domaine alimentaire et aussi dans d'autres domaines qui ont été touchés tout à l'heure. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous êtes libre de me contacter par ESO, par la pharmacie. Vous allez voir au-dessus de cette vidéo. Je dis bien au-dessus de cette vidéo. Vous allez voir l'orthographe d'ESO, par la pharmacie, les contacts par lesquels vous pourriez donc me toucher personnellement pour que je sois également votre coach, comme on le dit. Donc, Il faut absolument passer par là pour avoir la santé, une santé physique, afin que vous ne soyez pas les prochaines victimes de cette malversation physique, parce que de nos jours, on ne s'occupe pas du tout de notre corps, de notre vie. Nous sommes tellement occupés à la recherche d'argent, du succès et autres. Et le corps est abandonné. Si ce corps est abandonné, sachez que vous allez mourir et abandonner votre travail aussi. Le premier ministre ivoirien était déjà candidat à la présidence de la République ivoirienne. Après le président Ouattara, c'est lui qui a été présenté par le parti présidentiel comme quelqu'un qui faisait la fête. Mais s'il avait été suivi, je vous le dis, s'il avait été suivi spécialement par des spécialistes de la santé au naturel, comme ça, comme moi bien sûr, il allait conserver la vie. Je vous le dis, il serait en vie aujourd'hui. Et beaucoup de personnes, 108 personnes qui sont mortes au Cameroun. Pourquoi moi je ne suis pas mort le jour que j'avais chuté? Pourquoi moi je n'étais pas mort? Pourquoi moi, j'étais, il y a de cela un mois et 15 jours seulement que cela est arrivé au Cameroun pendant que je prêchais. Mais je n'étais pas mort. Et si j'avais rendu l'âme ce jour-là, qu'est-ce que les ennemis de Tchali Tshomba allaient dire? Ah oui, il a été, on allait raconter plein de choses. On allait raconter plein de mensonges, plein, comme au sujet du décès de ce premier ministre. Les gens vont raconter plein de choses. Mais moi, je vous dis tout simplement que tous ceux qui sont en train de mourir aujourd'hui, il y a un problème alimentaire. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a un problème d'hygiène naturopathique. Hygiène naturopathique, je vous parlerai de ça demain, à la même heure. Il y a un autre problème aussi, le repos, l'activité sportive. Il y a plein de problèmes, des choses que vous ne parvenez pas à mettre en pratique. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous avez des contacts pour me contacter et moi, je serai et réellement votre guide, votre conseiller, votre, même si vous êtes touché par toutes les maladies qui ont été touchées, citées tout à l'heure, avec la puissance des aliments, la puissance thérapeutique des aliments et aussi le sport et aussi le repos, vous allez recevoir des guérisons spectaculaires et aussi une protection et aussi ce qu'on appelle ça ne sera plus une faiblesse vitale, mais ça sera plutôt une énergie vitale, une énergie vitale que vous allez récupérer et vous allez ressentir ça physiquement sur votre corps, dans vos cellules. Et voici l'immunité pour renforcer votre système de défense. Il y a là-dedans une ampoule par jour que vous allez consommer 20 jours et vous aurez votre système de défense bien aiguisé. En 20 jours seulement, passez la commande en me touchant, passez la commande et je vous ferai parvenir le produit ou bien les produits, tous ces produits, et en vous donnant des instructions, en vous donnant également des enseignements, quelque chose qui peut vous aider à garder votre capital santé. L'immunité est très importante. C'est l'immunité qui peut détruire le coronavirus. C'est l'immunité qui peut détruire tout microbe ou bien tout virus. C'est seulement l'immunité. Et si votre immunité est faible, vous serez envahi. C'est pourquoi le sida n'a pas de médicaments jusqu'à ce jour. C'est pourquoi aussi le coronavirus continue à tuer, parce qu'on ne touche pas la partie importante de la vie de l'être humain qui est l'immunité. On ne donne pas, on dépense beaucoup d'argent. J'ai dit beaucoup d'argent pour lutter contre le coronavirus, mais je n'ai pas encore entendu des conseils touchant l'immunité. Des conseils touchant l'immunité dans la publicité que l'Organisation mondiale de la santé envoie par le canal des États, par le canal des institutions. Mais on ne parle jamais de l'immunité, comment il faut relever le système de défense, le système immunitaire. Il faut dépenser, je demande aux États de dépenser des milliards que vous dépensez ailleurs Il faut dépenser des milliards pour réellement distribuer les compléments alimentaires qui peuvent relever l'humidité de tout le monde et cela risque de rapporter également un capital santé à tous ceux qui vont suivre ces révélations. Que Dieu vous bénisse.